Moïse, enfant du Nil. Comme chaque matin, la fille de Pharaon descend vers la rivière pour se baigner. Son regard est soudain attiré par un petit panier qui flotte sur l'eau. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Elle se glisse dans l'eau pour attraper le panier, soulève avec précaution le couvercle et découvre à l'intérieur un adorable bébé endormi. « Comme il est beau !» remarque la princesse. « Mais c'est un petit hébreu !» Les hébreux sont les esclaves des Égyptiens. Ils travaillent pour eux du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, dans sa colère, Pharaon a dit à ses soldats « Les Hébreux sont trop nombreux. Tuez tous leurs garçons nouveau-nés !» La princesse prend le bébé dans ses bras et lui murmure tout bas « Je vais te garder, petit bébé. Je t'appellerai Moïse. » Cela veut dire « sauver des eaux ». Moïse est élevé comme un prince dans le palais de Pharaon. Il grandit et devient un jeune homme fort et joyeux. Mais un jour, il aperçoit un garde égyptien qui fouette un vieil esclave hébreu. « Ce n'est pas juste !» se dit Moïse. Alors, sans réfléchir, il se jette sur le garde et le tue. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ? Horrifié par son geste, Moïse s'enfuit dans le désert. Il y reste plusieurs années. Le jeune prince devient berger. Il se marie avec la belle Séphora et fonde avec elle une nouvelle famille. Par un beau matin de printemps, Moïse mène paître ses moutons dans la montagne de l'Horeb. Il aperçoit soudain un feu qui s'élève d'un buisson. « Comme c'est étrange !» se dit Moïse. « Le buisson ne brûle pas !» Intrigué, il s'approche lorsqu'une voix venant du buisson lui dit « Arrête, Moïse, cette terre est sacrée. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tout tremblant, Moïse retire ses sandales et se couvre le visage. La voix de Dieu se fait plus douce. J'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. Va le délivrer et conduis-le vers le beau pays que je veux lui donner, car c'est mon peuple et je l'aime. Va, je serai toujours avec toi. Moïse a peur, mais il fait confiance à Dieu. Il part donc pour l'Égypte et va trouver Pharaon. Laisse partir mon peuple, demande Moïse. Mais Pharaon a le cœur dur. Il dit « Non !» Pour le faire changer d'avis, Dieu envoie 10 catastrophes. L'eau du fleuve se transforme en sang. Les grenouilles envahissent le pays. Puis ce sont les moustiques, puis les temps, puis de terribles maladies. Pharaon dit toujours « Non !» Alors, une tempête de grêle et des nuages de sauterelles dévastent tout le pays. Même le soleil disparaît pendant 3 jours. Mais Pharaon dit toujours « Non !» Lorsqu'il voit mourir son fils et les aînés des Égyptiens, Pharaon, fou de douleur, laisse enfin partir les Hébreux. Tout à coup, c'est le branle-bas. Vite, préparez le repas du départ, ordonne Moïse. Tuez un agneau par famille. Mangez-le avec du pain non levé et des herbes amères. Dieu vous libère. C'est la Pâque. Dans la nuit, l'immense caravane des Hébreux se met en route. Un soir, ils arrivent sur les bords de la mer Rouge. Comment allons-nous traverser ? Se demandent les Hébreux, un peu inquiets. Soudain, les soldats égyptiens surgissent derrière eux avec leurs chars de combat. Oh non ! Pharaon a changé d'avis ! Au secours ! Nous allons tous mourir ! Rempli de la force de Dieu, Moïse lève son bâton sur la mer. Miracle ! Elle s'ouvre en deux. Tous les Hébreux passent sans se mouiller. Mais au moment où les Égyptiens s'y engouffrent à leur tour, la mer se referme sur eux. Alors, les Hébreux chantent à tue-tête : Loué soit le Seigneur, il nous a sauvés. Ils marchent encore de longues années dans le désert. Là, Dieu fait un cadeau à son peuple. Une loi qu'il grave sur deux grandes pierres. Moïse dépose ce trésor dans un beau coffre de bois, l'Arche de l'Alliance. Après bien des aventures, le peuple hébreu arrive enfin en vue de la terre promise. Moïse, fatigué, s'assoit sur un rocher et contemple au loin cette terre où ruissellent le lait et le miel. Maintenant, il peut mourir en paix. Il a accompli